et l'horizon. Noir l'équateur, noir de chaleur, plonge de tremblement. Je le touche innocemment, plonge de tremblement. Je le touche innocemment. Je me réveille un peu brusquement. J'étais en sommeil, en dehors du temps.